Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Ce matin, Seigneur, nous prions que ta parole puisse nous affecter encore une fois. Que ta parole puisse changer quelque chose en nous, Seigneur. Afin que nous soyons ou nous soyons des vases utiles, des vases que tu peux utiliser dans ton royaume. Seigneur, merci pour la grâce de te connaître et merci pour la grâce d'avoir la foi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te remercions pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Au nom de Jésus, amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. All right. Luc chapitre 3, le verset 1. Nous avons eu quelques problèmes techniques ce matin, mais ce n'est pas grave, ça allait. Ok, si vous vous fiez trop à la technologie, vous serez surpris. Il faut avoir confiance en Dieu seul. Amen. Alléluia. Luc 3, à partir du verset 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque d'Albilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est juste pour dire le temps, l'année, l'époque. Alléluia. Donc, si c'était aujourd'hui, ils allaient dire la 14e année du règne de John Mahama à Accra. What's your president called? Ton président, il s'appelle lequel? Ali Bongo. Du Gabon, Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire. C'est juste pour donner la période dans laquelle les événements se sont déroulés. Hey, j'allais help me preach now. Amen. Et à tout moment, la parole de Dieu est adressée aux enfants de Dieu. Amen. À tout moment, Dieu parle. Alléluia. Il ne parlait pas seulement la 15e année du règne de Tibère. Il parle aujourd'hui aussi. Amen. Mais il faut que quelqu'un soit prêt à écouter. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu sois prêt aussi à faire ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Parce que quand Dieu parlait, je crois que ce n'est pas seulement Jean qui entendait la voix de Dieu. Mais Jean avait un rôle à jouer. Et si lui, il n'avait pas écouté tout d'abord et il n'avait pas obéi ou il n'était pas parti, nous serons sans ces événements. Amen. Donc, lorsque Dieu nous parle, il faut que nous soyons attentifs, alléluia, à la parole de Dieu. Parce qu'il se peut qu'il nous envoie ou qu'il veut que nous parlions de quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, let's continue. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Je me demandais toujours pourquoi Jean-Baptiste était dans le désert mais Jésus-Christ était dans les villes. La parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste dans le désert. Le désert représente la difficulté. La Bible nous dit qu'il mangeait les, how do you say, locusts, sauterelles et le miel sauvage. Alors que Jésus-Christ était avec les gens qui mangeaient et buvaient le vin. Donc on se demande pourquoi certaines vivent dans certaines conditions et les autres vivent dans d'autres conditions. On se dit toujours que lorsque tu es dans le désert, Dieu t'a abandonné. Et lorsque tout va bien, tu es dans la luxe, Dieu est avec toi. Mais dans ce cas, la Bible dit que Jean-Baptiste était dans le désert, en train de manger. Il n'avait même pas le feu pour préparer. Donc il mangeait cru, le miel sauvage et les sauterelles. Si je vous offre aujourd'hui, je sais qu'il y a certains qui mangent les sauterelles. Il faut pas faire semblant. Les chenilles et tout ça. C'est très bon, hein? Forgive. Je ne sais pas si je pourrais. Hallelujah. Chenille, pour moi, c'est comme le quinqué pour Ruth. Elle n'arrive pas à avaler. Elle est où? Alléluia. Amen. Je ne peux pas manger la chenille. Mais Jean-Baptiste était dans le désert. Mais dans le désert, dans les difficultés, dans les problèmes, il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu, claire. Alléluia. La parole de Dieu fut adressée à Jean. C'est dans le désert que Dieu a choisi de parler à Jean. Amen. Quand tu passes par des moments difficiles, ne fermez pas les oreilles à Dieu, ni à sa parole. Beaucoup d'entre nous, quand nous sommes dans des problèmes, c'est là où on abandonne la foi. On ne veut plus prier, on ne peut même pas prier. On ne veut pas aller à l'église, on ne veut pas voir les frères et les sœurs de l'église. On veut que les gens nous laissent tranquilles. C'est le moment où beaucoup d'entre nous rétrogradent. On retourne dans le monde, à nos amis qui étaient dans le monde, quand les choses apparaissaient plus intéressantes. Mais Dieu parle toujours, même dans le désert. Alléluia. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, Dieu peut t'utiliser. Malgré tes circonstances. Amen. Malgré les difficultés. Qui ne traverse pas des difficultés? Nous tous. Mais si nous tous, nous sommes, nos humeurs changent par rapport à nos circonstances, ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas évident. Le jour où moi, je n'ai pas envie de venir, vous venez nombreux à l'église, il n'y a personne pour prêcher. Parce que mes humeurs sont arrivées. Ou j'ai des problèmes. Ils ont coupé l'eau à la maison. Et le courant, donc je n'ai pas chargé mon portable et je n'ai pas repassé. Je n'ai pas envie de venir. La parole de Dieu qui me serait adressée ne sera pas prêchée. Pourquoi? Parce que j'ai succombé, is it a word, à mes circonstances. Amen. Is the French working? Amen. Yeah. Mais dans le désert, dans les difficultés, Dieu parle toujours. Et ce qu'il dit, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Amen. Ne laissez pas vos circonstances vous déterminer ce que vous allez faire pour le Seigneur. Quand vous allez travailler pour le Seigneur et comment vous allez travailler pour le Seigneur. Amen. Ne permettez pas à vos circonstances de dicter votre marche avec le Seigneur. Amen. Lorsque je venais, j'écoutais à la radio un homme qui prêchait et il parlait du pardon. Et il a dit, si tu veux pardonner, il faut prendre la décision avant. Tu décides dans la prière, tu pries, Seigneur, je veux pardonner, je veux être capable de pardonner, je veux pardonner tout le monde, dans toutes les circonstances, à tout moment. Tu pries d'abord. Lorsque tu es face à la situation, tu as déjà prié. Et ta prière va t'aider à pardonner. Mais lorsque tu es devant la personne, ce n'est pas le moment de prier. Ça ne va pas marcher. Amen. La décision doit être prise avant, bien avant. Et vous priez par rapport à cela. Amen. Et c'est le cas dans toutes nos situations. Amen. Tu dis, Seigneur, je vais te servir dans le désert et dans la ville. Je vais te servir malgré mes circonstances. Je vais te servir même quand je n'ai pas d'argent. Je vais te servir quand j'aurai de l'argent. Et vous priez par rapport à ça bien avant. Aujourd'hui, vous êtes étudiant. Priez. Priez que quand vous serez riche, amen, vous allez continuer à servir Dieu. Quand vous serez marié, vous allez continuer à servir Dieu. Quand vous aurez des enfants, je vais continuer à servir Dieu. Parce que beaucoup ralentissent. Après le mariage, ils n'arrivent pas à faire face. Jongler le travail, le mariage, le mari, les enfants, ils n'arrivent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils souffrent? Leur relation avec Dieu. C'est la première chose qui tombe, la première chose qui est abandonnée. Yeah. Mais si vous priez aujourd'hui, bien avant, que Seigneur garde-moi dans toutes circonstances, je veux te servir. Je veux prêcher ta parole. Je veux être fidèle. À tout moment, quand vous serez face aux difficultés, vous allez toujours entendre la voix de Dieu. Amen. Et vous allez toujours obéir à sa voix. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amen. Verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il avait un message spécifique. Il avait un message qui ne changeait pas dans les circonstances. Amen. Pas un message particulier pour ces gens et un autre pour les autres. Son message était le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Amen. Ça, c'était son message. Et plus tard, vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Comment il s'est trouvé en prison? Parce qu'il prêchait le message de repentance à tout le monde. Que tu sois roi, que tu sois reine, que tu sois beau-frère du roi, que tu sois belle-sœur du roi, que tu sois enfant du roi, que tu sois un citoyen du pays, le baptême de repentance. Amen. Where's my handkerchief? Amen. Même message. Il n'était pas intimidé par les personnes qu'il a rencontrées. Amen. Hallelujah. Are you there? Yeah, I should have to. I know. Merci. Amen. All right. Okay. Baptême de repentance. Pour la rémission des péchés. Si tu te repens, tes péchés te seront pardonnés. Amen. Ça, c'était le message. Mais il faut repentir. Il faut se repentir. D'abord. Amen. Beaucoup d'entre nous Nous avons l'habitude de venir à l'église, mais on ne peut pas mentionner le jour, ou on ne se rappelle même pas du jour où on a pris la décision que nous nous repentons de tous nos péchés. Voilà pourquoi on demande chaque dimanche, on fait l'appel chaque fois qu'on prêche. Si vous êtes là et vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau, la naissance au naître de nouveau dépend de la repentance. Amen. Si tu ne te repens pas, comment est-ce que Dieu va te pardonner? Comment est-ce que tes péchés seront remis? How? C'est par la repentance. Amen. Certains disent, oh, Dieu sait que je suis désolé. Dieu sait, Dieu connaît mon cœur. Moi, je ne voudrais pas prendre ce risque de m'asseoir et juste me dire, oh, Dieu connaît. Je vais tout faire pour que je sois en ordre. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste lui a dit, je ne peux pas te baptiser. Il dit, non, il suffit que, il faut le faire for all things to be done in order. What did he say? Que toute chose soit faite selon la parole. Amen. Hey, Glad, why are you laughing at me? Amen. All right. Let me not digress. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc c'était déjà planifié que lui, il sera dans le désert. Parfois on prie, on essaie de changer ce que Dieu a déjà prévu. On se dit, non, si je prie assez longtemps, Dieu va changer d'avis. Parfois, il le fait. Mais, une astuce que j'ai appris, lorsque l'évêque prêchait un jour, il dit, si tu pries pour une chose, trois fois, laisse tomber. Commence à remercier Dieu. Amen. Paul a prié trois fois. Dieu n'a pas changé d'avis. Le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsemane, il a prié trois fois. À trois reprises, Dieu n'a pas changé d'avis. Donc toi, tu pries depuis. Tu refuses d'accepter que ce gars n'est pas pour toi. Tu as prié, Dieu a fermé la porte. Tu insistes toujours. Maintenant, tu essaies de passer par la fenêtre. Alléluia. Quand Dieu planifie, tu ne peux pas changer. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Donc, il faut que nous apprenions aussi à accepter la volonté de Dieu. Vous allez dire, pasteur, donc quand est-ce que on peut... comment est-ce qu'on pourra savoir si c'est le diable qui essaie de fermer la porte? Je ne sais pas. C'est par la foi que tu pries. Tu as prié pour la volonté de Dieu. Voilà pourquoi au début de l'année, on prie toujours au Seigneur que ta volonté soit faite cette année. Tu as déjà prié par la foi. On va prier, Dieu, que ta volonté soit faite. Si quelque chose t'arrive qui n'est pas aussi plaisante, bien sûr, il faut prier. Il ne faut pas juste accepter tout. Mais si tu pries une fois, ça ne change pas. Deux fois, ça ne change pas. Trois fois, ça ne change pas. Maintenant, commence à prier pour la grâce. Seigneur, que ta grâce me suffit dans cette situation. Que ta grâce me suffit dans cette situation. Je ne sais pas ce que tu essaies de m'apprendre. Je ne sais pas ce que tu essaies de me montrer. Mais que ta grâce me suffit. Amen. C'est la réponse que Dieu a donnée à Paul. Ma grâce te suffit. Relax. Tu ne veux pas enlever les chardes. Je vais te donner plutôt une suffisance de grâce. Suffisamment de grâce. Amen. La grâce. Hey, Seigneur. Je ne sais pas si tu es dans le désert aujourd'hui. Je ne sais pas si Dieu t'a donné un message. Mais le message ne doit pas changer par rapport à vos circonstances. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons, des talents. Mais vous vous asseyez sur les dons et les talents. Pourquoi? Parce que les choses autour ne sont pas aussi convenables. La situation n'est pas favorable. La situation n'est pas confortable. Mon frère, ma sœur, ne baissez pas les bras. Avance, bats-toi, efforce-toi de faire la volonté de Dieu. Amen. Parce que sa grâce te suffit. La Bible dit qu'il ne nous donne pas au-delà de nos forces. Tu es plus forte que tu ne crois. Amen. C'est lorsque tu te compares aux autres que tu penses que, oh, mais lui, il ne vit pas ce que je vis. Lui, il ne passe pas par cette circonstance. Pourquoi moi? Parce que sa grâce te suffit. Amen. Ne soyez pas comme des enfants qui sont ballottés à gauche et à droite par tout vent qui souffle. Alléluia. Marie-Joël, are you with me? Ça va? Tu es en forme? Are you sure? Ok. Amen. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Là, je n'avais pas trop compris. Est-ce que c'est à nous d'aplanir les sentiers de Dieu? Préparer le chemin, je peux comprendre, mais aplanir ces sentiers. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer dans la préparation du chemin pour l'arrivée de notre Seigneur. Amen. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer dans l'aplanissement de ces sentiers. Amen. Individuellement, ce que tu fais affecte, a un effet sur les sentiers. Je ne sais pas comment, mais la préparation du chemin a un rapport avec l'aplanissement des sentiers. Amen. Si Dieu t'a demandé de prêcher à un groupe de personnes et tu ne le fais pas, le chemin n'est pas aplani pour que celui qui doit venir vienne. C'est comme si le président devait arriver. Et quand j'arrive, les portes sont toujours fermées, ou même pas le président. Disons que Bishop devait arriver ici. J'arrive, l'endroit n'est pas balayé, les portes sont toujours fermées, Cédric n'est pas venu, les hacheurs sont en retard. Le sentier n'est pas aplani. Aplani. Amen. Parce que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il va nous le dire. Amen. Et en attendant, si tu n'entends pas la voix de Dieu, entends la voix de ton pasteur. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas entendre une voix. Amen. Venant du ciel. Avec tonnerre et éclair. Nous n'allons pas recevoir une vision. Alléluia. On ne va pas voir un ange qui va descendre. Quand tu rêves, c'est seulement les serpents que tu vois. Tu n'as jamais vu d'ange. Tu vois les cercueils. Et des chèvres à deux têtes qui sont en train de te poursuivre. Alléluia. Donc si tu vas dépendre de tes visions et de tes rêves, tu ne vas pas servir Dieu. Alléluia. Fais confiance. Dieu dit dans sa parole, il dit, crois dans mes prophètes et tu seras établi. Alléluia. Acceptez les prophètes, les hommes de Dieu, les personnes que Dieu a mis dans votre vie. Alléluia. En attendant que lui te parle directement. Amen. Moi, je n'ai jamais fait de rêve par rapport à mon appel. Je n'ai pas eu de rêve. Je n'ai pas vu des éclairs. Non. C'est juste une ferme conviction que l'homme de Dieu, que Dieu m'a donné, est rempli de l'Esprit de Dieu. Et si il a vu en moi quelque chose, j'accepte. Et en attendant que Dieu me parle à haute voix, à vive voix, j'obéis. Amen. Hallelujah. Are you there? Donc, Dieu va nous diriger. Mais il faut que nous fassions ce que nous devons faire. Que nous fassions notre part. Amen. Dans l'aplanissement des sentiers. Alléluia. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Quand le Seigneur viendra, tout sera en ordre. Tout ce qui est difficile, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est tortueux, tout ce qui n'est pas aligné, sera aligné. Amen. Mais si nous ne préparons pas le chemin, nous allons empêcher l'arrivée du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'avant qu'il n'arrive, l'évangile sera prêché dans tous les villages, tous les coins du monde. Mais si toi, tu ne vas pas dans ton coin, tu ne vas pas, l'arrivée ou la venue du Seigneur sera retardée. Quand tu allumes la télé, les nouvelles, les informations sont décourageantes. Si ce n'est pas Boko Haram au Nigeria, c'est Al-Shabaab à Nairobi. C'est Al-Qaïda en Afghanistan. C'est ici, c'est chaud. Viol des enfants ici. Meurtre. It's just crazy. Frère, if you read the Bible, si vous lisez la Bible, vous allez voir que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Les frères s'élèvent contre les frères, la famille contre la famille. C'est vraiment décourageant. La seule chose qui nous donne l'espoir, c'est que Jésus-Christ viendra bientôt. Amen. Je ne sais pas pour vous. Je sais qu'il y a certains qui prient toujours, Seigneur, je veux me marier d'abord. Ne viens pas trop vite. Je veux avoir mes enfants d'abord. Ne viens pas trop vite. Alléluia. Mais le Seigneur viendra. Amen. Et toute vallée sera comblée. Aujourd'hui, peut-être tu penses que tu es dans une vallée. Tu ne vois pas comment tu vas sortir. C'est le Seigneur qui fera un chemin, qui tracera le chemin pour que tu sortes. Amen. Alléluia. Il faut laisser le Seigneur agir dans ta vie. C'est lui qui va aplanir, c'est lui qui va combler les vallées. Amen. C'est lui qui va abaisser les collines et les montagnes. Il y a une montagne qui est insurmontable. Tu regardes la situation, tu dis, Seigneur, comment est-ce que je vais m'en sortir? Accroche-toi sur lui. Amen. Et tu verras les portes ouvrir. Tu verras un chemin tracé pour toi. Alléluia. Amen. Et toute chair, verset 6, verra le salut de Dieu. Amen. What's the time? Verset 6, yeah. Et toute chair verra le salut de Dieu. Avant que Jésus n'arrive, toute chair doit voir le salut. Au moins, écouter l'évangile. Amen. Alléluia. Verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Tu prêches la parole de Dieu, mais tu es surpris lorsque les gens viennent. Tu vas évangéliser et tu es surpris que les gens acceptent. Souvent, je dis aux gens, ce n'est pas à toi de convertir qui que ce soit. C'est Dieu. Amen. Donc, lorsque tu prêches, c'est tout ce que Dieu vous demande de faire. La réaction des gens, s'ils acceptent ou s'ils n'acceptent pas, ça ne dépend pas de toi. Tu ne dois pas être découragé quand tu vas et personne n'accepte. Parce que tu n'es pas le Saint-Esprit pour convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est de prêcher. Jean avait prêché. Il a prêché la repentance. Voilà les gens qui viennent pour se faire baptiser. Il dit, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est toi, Jean, qui nous a appris. C'est toi qui nous a appris à fuir. C'est toi qui parlais de repentance. C'est toi qui parlais de baptême, de rémission de péché. Donc, nous voici. Nous voulons être baptisés. Waouh! C'est toi qui as prêché. Amen. Ne soyons pas comme Jean, ni comme Jonas. Quand tu prêches et les gens changent, tu critiques. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne vont pas prêcher à une certaine catégorie de personnes parce qu'on se dit, il ne va pas changer. Il est trop méchant. Il est trop terrible. Il ne mérite pas même de recevoir l'évangile. Quand tu entends parler de quelqu'un qui s'est converti, tu dis, est-ce que c'est réel? Ah, c'est par les fruits qu'on les connaîtra. Ah, on verra avec le temps si c'est vrai. Mais toi, tu as oublié d'où tu es venu. Tu as oublié le parcours que tu as fait pour venir là où tu es. Comment tu as oublié? Comment? Alléluia. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Je partage avec vous mon quiet time. Amen. Alléluia. I'm sharing with you my quiet time. Ce que Dieu m'a dit. Amen. Et lorsque tu lis, parfois tu lis les versets que tu as déjà lus. Et tout d'un coup, tu as une révélation, tu es surpris, tu dis, ah Seigneur, voilà pourquoi ta parole ne change pas. Parce que le même verset peut avoir différentes révélations à différents moments dans ta vie. Et mais il n'a pas besoin de faire volume 1, volume 2, volume 3, revised standard, il n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Parce que la parole de Dieu est toujours à jour. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. L'autre fois, je partageais un peu de ça. C'est facile à dire que je suis chrétien. C'est facile. J'ai Abraham pour père. Je suis sauvé. C'est facile à dire. Mais Jean est en train de dire, non. Dire que je suis enfant d'Abraham, c'est facile. C'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas que tu dises que tu es né de nouveau. Il ne veut pas que tu dises que tu es chrétien. Il faut produire des fruits. Amen. Des fruits dignes de la repentance. Jean a baptisé le baptême de repentance. Maintenant, je veux voir. Tu dis que tu me crois, tu dis que tu acceptes, tu viens pour se faire baptiser. C'est trop facile. C'est facile de venir devant. Répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est facile. Maintenant, je veux voir. The outcome. Je veux voir maintenant les fruits dignes. Le mot digne veut dire quoi? What does it mean? Look in your dictionary. Don't you have a dictionary? Digne. Quand tu dis que quelque chose est digne, qui a de la valeur, qui est approuvé, des fruits dignes de la repentance. Il y a certains fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Il y a certaines choses qui ne doivent pas être associées ni mentionnées dans la vie de quelqu'un qui se dit chrétien, qui se dit enfant d'Abraham, qui se dit enfant de Dieu. Il y a certains fruits qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas appropriés. Amen. C'est par leurs fruits que tu les connaîtras. C'est vrai. Parce que nous pouvons dire une chose et faire différemment. Yeah. Nous pouvons dire, un homme peut dire à une femme, je t'aime. Je t'aime. Je veux t'épouser. En toi, j'ai trouvé le bonheur. Tu es le côte qui manquait. Il peut dire beaucoup de choses, mais c'est les fruits que tu dois regarder et tu dois chercher. Amen. Des fruits. Si je suis le côte, pourquoi quand tu es avec tes amis, tu fais comme si tu ne me connais pas? Pourquoi lorsque nous sommes en public, tu me traites comme une étrangère, comme si tu ne me connais pas? Pourquoi tu me dis toujours de venir chez toi, mais tu ne veux jamais qu'on nous voit en public? Pourquoi tu ne veux pas qu'on aille voir Lady Pasta par rapport à notre relation? Si je suis ton coach, pourquoi? C'est par leurs fruits. Amen. Ce n'est pas un fruit digne de son amour ou de sa déclaration d'amour. Amen. Yeah. Tu peux dire, Gaston, tu peux dire une chose, mais c'est le fruit que tu produis qui va nous convaincre. Amen. Digne. I love this verse so much. C'est produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Tu peux te convaincre, toi, que tu es né de nouveau. Oh, moi, je ne pêche pas. J'ai arrêté de forniquer depuis 2013, 2012, 2011, 2010. Le 11 septembre 2010, j'ai arrêté de forniquer. Donc, je ne suis pas aussi mauvais que tout ça. Je suis née de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ quand j'avais 8 ans et demi. Dans le ventre de ma mère, comme certains. Amen. Tu peux dire ça en toi-même. Tu peux te justifier. Tu peux toujours te dire, oh non, mais je ne suis pas aussi mauvais que l'autre. Moi, je ne fais pas ce que les autres font. Je ne fume pas le champ. Je n'ai jamais goûté l'alcool de ma vie. Tout ça, c'est beau. C'est bon et c'est beau. Mais, on veut voir les fruits. Et pas n'importe quel fruit, mais un fruit digne de cette repentance. Ce repentance dont tu parles. Amen. Yeah. Quels sont les fruits qui sont dignes? Vous les connaissez. Who knows? Quel est le verset que je cherche? Quel est le verset que je cherche? Do you know the verse I'm looking for? Ah, you're back. Galates 5, 22. Voilà les fruits qui sont dignes de la repentance. Amen. Pas déclarer que je suis enfant de Pierre. Il dit quoi? Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu peut créer, il peut prendre les pierres et dire, ok, from today, vous êtes enfant d'Abraham. Quelle est la différence entre ces pierres et vous? Quelle sera la différence entre les pierres et vous? Les pierres et moi? Les fruits. Les fruits. Il ne suffit pas juste de déclarer, je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau, mais où est la différence entre toi qui es né de nouveau et les autres qui disent qu'ils sont nés de nouveau ou qui ne sont pas nés de nouveau? Ce sont les fruits qui feront la différence. Galates 5, 22. Qui feront la différence. Amen. Are you with me? Voici les fruits qui sont dignes de la repentance. Vous les connaissez, mais est-ce que vous les produisez? Vous les connaissez. Si je vous demande de fermer les yeux et citer les fruits, vous les connaissez. Mais est-ce que vous les produisez? C'est ça la question. Des fruits dignes. C'est ça qui nous différencie des pierres. C'est ça qui nous différencie des autres. Qui fait la différence entre nous et les autres. Amen. Dieu ne cherche pas juste un certain nombre de personnes. Dit, oh, je veux beaucoup. Oui, je veux que l'église soit remplie. Donc, tout le monde vienne. Ok, venez. Mais maintenant, la qualité, pas la quantité. Amen. La qualité. Vous serez étonnés que lorsque l'enlèvement vienne, se produise, c'est pas tout le monde qui va partir. Les églises, dans les églises, ce n'est pas tout le monde qui va partir. Normalement, puisqu'on se dit que nous avons, c'est nous qui servons Dieu. Nous sommes vite à critiquer les autres religions. Nous avons la vérité. Eux, ils sont trompés, n'est-ce pas? Donc, nous devons tous partir, n'est-ce pas? Mais vous serez normalement, vous serez étonné de voir que beaucoup, beaucoup vont rester. Pourquoi? Parce que les fruits manquent. Amen. Please go back to Galates 5, 22. L'amour, fruit de base. L'amour. Il n'y a pas d'amour. Amen. Il produisait donc des fruits dignes de repentance. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre voisin. L'amour manque. Yeah. Nous devons être capables, si j'ai besoin de quelque chose, je dois être capable de demander à n'importe qui ici. N'importe qui. Mais la vérité, c'est que nous avons seulement 2-3 personnes à qui on peut demander de l'aide. 2-3-1. C'était son des ermites. Do you know ermite? Do you know what is a hermit? What is a hermit? Is it the same word in French? Qui connaît le mot? Yeah. What is a hermit? Une personne recluse qui vit loin de tout le monde. Thank you. Il y a au moins une personne qui parle anglais, français ici. Amen. Yeah. We are here on our own. On vient seul, on part seul. On prie seul. Le pasteur ne te connaît pas et tu es confortable avec ça. Ça ne te gêne pas du tout que personne ne te connaît. Connais pas ton nom, connais pas où tu habites, aucun berger tu ne permets même pas qu'ils arrivent chez toi. Mais s'il y a un problème qui se produise, yeah, c'est là où on va te connaître. L'amour, je ne parle pas d'un amour romantique. Je parle l'amour de Dieu. L'amour agapé. Philéo. Pas l'autre. Amen. La joie. Même la joie chez les chrétiens, c'est difficile à trouver, à avoir. Tu regardes les visages des chrétiens. Comme les pharisiens. Tu vois le visage d'un chrétien. Il n'y a pas de différence entre le visage des chrétiens et le visage des autres. Du! Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. On se laisse vaincre par toute situation. On se laisse vaincre tout moment. Les mêmes problèmes. C'est vrai que nous avons les mêmes problèmes que les autres. Non, il doit y avoir une différence maintenant. Quand il y a coupure chez moi et il y a coupure chez toi, tu ne dois pas entendre certains mots sortir de ma bouche. Parce que je suis chrétienne. Si on entend certains gros mots sortir de cette maison, on comprend. Mais chez moi, ah, oh, américain, ah, oh, ah, oh, les insultes, les injures, they come out like water. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Tu es inquiet pour tout. Hey, comment est-ce que je vais? Hey, hey, ah, ah, ah, ah. Qu'est-ce que je vais faire? Hey, et ça devait arriver. Est-ce que je dois appeler tonton X? Est-ce que je dois... Il n'y a pas de paix. Tu as peur de tout, tu t'inquiètes pour tout. Quelle est la différence donc entre toi et les autres? Ce n'est pas que tu n'auras pas de problème. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas vivre dans le désert. Mais dans le désert, c'est là où on doit voir la différence. Azoun, c'est mon frère, ma chère. C'est là où on doit voir la différence. Deux personnes dans le désert. Un est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Où est la différence? Doit y avoir une différence. Oui, le soleil bat tous les deux. Le soleil tape fort. Il n'y a pas d'eau, il y a le sable partout. Mais quelle est la différence? How we know? C'est pas leur visage. C'est comment? Il y a certaines choses qui doivent être. There has to be a difference. There must be. La patience. That one. That one. That one. Un chrétien qui a 38 ans et un non-croyant qui a 38 ans. Elles veulent se marier. Where is the difference now? Quelle est la différence entre une chrétienne à 38 ans et demi et un non-croyant à 38 ans et demi? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Voici James Bond qui arrive et Johnny Wasarachi qui arrive. Au même moment. What is the difference now between these sisters? Est-ce que une parmi elles pourra se patienter et dire non, j'attends la volonté de Dieu, j'attends que Dieu agisse. Yeah, wow. Et Johnny vient aussi. Johnny part, tu ne sais pas qui viendra. Dieu ne veut pas que je sois sous un joug étranger. Je vais me patienter. Hey! Is it possible? Today? Today's Christian? La bonté. La bénignité. This word I can never pronounce. La fidélité. Quand tu vas dans une entreprise, il n'y a pas de différence entre une employée chrétienne et un autre qui n'est pas chrétien. Et très souvent, Les gens disent qu'ils préfèrent travailler avec les non-croyants, les musulmans. Ils sont beaucoup plus fidèles dans leur travail. Yeah. Fidélité, zéro. Tu es le premier à critiquer ton chef. Oui, ton chef, c'est un voyou, c'est vrai. Mais ce n'est pas à toi de critiquer ton chef. C'est lui qui paye ton salaire. La Bible dit qu'il faut prier pour ceux qui sont en autorité. Il faut prier pour lui. Amen. Are you listening to me? La douceur, c'est une fruit qui est digne. La manière dont tu parles, douce voix. Pas pour tromper les gens, mais douce voix. La douceur. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Apprends à parler doucement, surtout les femmes. Apprenons à parler doucement. Oh! Même si tu es colérique, tu peux parler doucement. C'est une fruit. Et les hommes aussi, vous devez parler doucement. La tempérance. That's not my message anyway. Hallelujah. Wow. Pass the time. Amen. N'oubliez pas que Dieu peut susciter des enfants à Abraham par les pierres. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Amen. Il veut voir nos fruits. Il veut voir les fruits qui sont dignes de repentance. Amen. Faisons ce que nous devons faire. Écoutez la parole de Dieu. Agissez selon la parole. Obéissez à la voix de Dieu. Malgré tes circonstances, que ce soit dans le désert, que ce soit dans la ville, faites ce que vous devez faire pour préparer le chemin de Dieu. Amen. Et alors que vous êtes en train de travailler, n'oubliez pas que Dieu cherche des fruits dignes de la repentance. Amen. Levez-vous, je n'ai plus de temps. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant et demander, Seigneur, donne-nous la force de rester fidèles dans les difficultés. Priez pour vous-même ce matin. Priez afin que la parole de Dieu puisse rester dans ton cœur. Que vous ne soyez pas quelqu'un qui oublie la parole. Lorsque Dieu vous parle, agissez selon la parole. Amen. Priez, ouvrez votre bouche et priez le Seigneur ce matin. Seigneur, merci pour ces moments passés devant ta parole. Seigneur, ta parole est vérité, ta parole est vie. Merci Seigneur de nous montrer ton cœur. Merci de nous montrer ce qu'il faut être et ce qu'il faut faire. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à ta parole, malgré nos circonstances. Comme Jean a fait dans le désert, Seigneur, nous voulons te servir dans les bons moments et dans les moments difficiles. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Je veux prier pour toi ce matin, si tu es là et tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Tu n'as jamais pris une décision de lui donner ta vie, de lui donner ton cœur, de l'inviter dans ton cœur. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux savoir que j'ai une place au ciel. Je veux naître de nouveau. Je veux recevoir le salut. Si tu es là comme ça, tu veux faire cette prière ce matin. Tu veux ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Tu veux l'inviter. Tu veux dire, Seigneur, sois maître de ma vie. Pardonne mes péchés. Lève la main, s'il te plaît. Je veux prier pour toi. Tu veux faire cette prière ce matin. Lève la main. Lève la main vite, rapidement. Nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments priants, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton pardon, pour ton amour. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à être fidèles à ta parole, Seigneur. Aide-nous à surmonter toute circonstance, toute difficulté qui essaie de nous empêcher de te suivre. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Et prenez place, s'il vous plaît. Nous allons vite prendre notre deuxième offrande.